Les fées bavardaient joyeusement sur le tapis de mousse lorsqu'un cri au loin les interrompt. Elles s'élancent vers les voies et aperçoivent bientôt un homme très agité. Une femme se trouve à ses côtés. Il fait de grands gestes au-dessus de sa tête. L'air s'emplit d'un bourdement de plus en plus effrayant. Devant le danger, les fées, d'habitude très discrètes, se précipitent vers la roseraie aux abords d'un parc fleuri. Cyrella et Annabelle interviennent les premières. L'homme retrouve alors son calme et raconte « Nous avancions dans la roseraie lorsque ces diaboliques insectes se sont jetés sur nous. » Ombeline et Azuriane apaisent rapidement la douleur des piqûres de guêpes. La femme retrouve presque aussitôt son visage au teint frais. Déjà les fées se font légères et s'apprêtent à repartir. Mais le monsieur et sa dame les retiennent.